The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Chocolate. Le chocolat. Great. Génial. Can. Pouvoir. To eat. Manger. To. De. December. Décembre. Now, a bit faster. To. De. December. Décembre. Can. Pouvoir. To. De. Great. Génial. To. De. To eat. Manger. Chocolate. Le chocolat. December. Décembre. Great. Génial. To eat. Manger. December. Décembre. Can. Pouvoir. Now, use the words in context. Le chocolat. Give me a chocolate. Donne-moi un chocolat. Génial. It's great. C'est génial. Manger. I'm eating some bread. Je mange du pain. Deux. I want two pieces of candy. Je veux deux bonbons. Pouvoir. She can pay tomorrow. Elle peut payer demain. Le chocolat. Give me a chocolate. Donne-moi un chocolat. Deux. I want two pieces of candy. Je veux deux bonbons. Pouvoir. She can pay tomorrow. Elle peut payer demain.